ce que je suis. Le moteur gronde dans la forêt du domaine Saint-Onge. D'une précision chirurgicale, ma décapotable négocie courbe après courbe, mugissante. Les pneus mordent l'asphalte à pleines dents gommeuses. C'est une véritable bombe. 900 chevaux vapeur, de 0 à 300 km/h en 15 secondes. Manufacture italienne, peut-être la meilleure de ma collection privée. Ma poigne experte propulse le bolide à des vitesses meurtrières, un gant de cuir agrippant solidement le levier de vitesse. J'enfonce le pied, savoure la force de la gravité jusque dans les orteils, le vent qui fouette mon visage. Au passage, des rayons chatoyants percent à travers les corridors de la plantation de Mélèze, m'éblouissent. Le soleil brille de toutes parts en cette journée parfaite. La carrosserie noire reluit de mille feux. La piste de course s'étend à l'infini sous un ciel d'azur à travers les collines boisées. Lancia ricane tout haut. Elle adore la vitesse. Lovée dans le siège passager, elle resplendit d'un charme génocidaire. Son rire est pur et vivifiant, comme les glaces d'octobre. Ses joues rosées par le vent frais. Des verres fumés masquent ses yeux, mais son regard savoure le paysage avec abandon, chaque détail succombant à sa vision d'onyx. Elle porte une robe d'été à manches courtes, blanc crème. Un truc simple, sublime. Subrepticement, chaque bourrasque en fait virevolter les pans légers, révélant l'espace d'un battement de cœur. La blancheur à mi-cuisse, le tissu retraitant sur chaque centimètre exquis de peau avant de se rabattre. Un moment d'inattention. Le bolide accuse une courbe trop sévère, manque de sortir de route. J'entends les pneus crisser, le moteur vrombir et Lancia rire de plus belle. Elle a peur de rien. Alors, je tente finalement. Pourquoi la mode? C'est qu'une feinte. Il faut commencer quelque part. Je dois administrer le deuxième test. J'aimerais qu'il y ait une autre alternative, mais c'est impossible. Lancia regarde droit devant, hausse les épaules avant de me relancer. Et toi? Pourquoi les médias, la finance? C'est pas sorcier. Une fenêtre d'opportunité s'est présentée, j'ai saisi le moment. J'enregistre sa réplique. L'évalue à partir des faits recensés. Gauthier a compilé un dossier sur Lancia à ma demande. C'est la routine pour n'importe quel membre de mon entourage, mais j'ai insisté pour qu'il n'abrège rien. J'ai lu le document dans l'hélicoptère, mémorisé chaque date, toute la trame narrative de mon oiseau rare. Et comment as-tu commencé ta carrière? Une question innocente. Suffit de creuser et j'aurai mes réponses. Malheureusement, le sujet semble emmerder au plus haut point. Elle soupire. Je regrette. J'ai été relocalisée dans un camp de réfugiés à l'âge de 10 ans, annonce-t-elle nonchalamment, comme si c'était l'histoire de quelqu'un d'autre. J'ai dû composer avec des obstacles. La façon que ce dernier mot roule sur sa langue, ce dédain, je me mords la lèvre. L'information est conforme avec sa fiche. Les camps de réfugiés sont des égouts à ciel ouvert. Surtout dans le passé, la collecte de données était bâclée, inefficace. Difficile de reconstituer l'histoire. J'ai tenu quelques jobs, continue Lancia. Manufacture, jour, soir, fin de semaine. Une fois, j'étais dans le textile, vois-tu, et le patron a eu besoin de modèles pour une promo. Il y avait de la compétition, bien sûr. J'ai dû m'en occuper. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai joué le rôle. Le rôle. Oui, un rôle. Bien sûr. La fenêtre d'opportunité? Je demande, tâchant de la faire parler. Le bolide file à toute allure sur un kilomètre droit. J'en profite pour enclencher la quatrième vitesse. Les contrôles répondent parfaitement. On dirait que la décapotable va arracher tout l'asphalte derrière. Le pouvoir est pas donné, conclut simplement Lancia. Et merde. Quelle avarice de détails. Non, ça fera pas. Ça fera pas du tout. Elle va échouer le test. Ça me lève le cœur. C'est injuste. C'est au comble de mon désespoir que Lancia retire ses verres fumés et me lance, d'une candeur mortuaire, les yeux pâles, rivés vers les miens. « Le truc, » dit-elle doucement, « c'est d'écraser un plus faible pour s'élever, même un tout petit peu, jusqu'à la prochaine marche. » Mon cœur fait 3 tours. Il n'y a qu'une voie vers le sommet, ajoute-t-elle, et c'est une montagne de crânes fendus. C'est ce que j'ai appris au camp de réfugiés, à l'usine, puis dans mon propre studio. J'ai aucune chance de réussir, à moins d'oser aller plus loin, plus haut, risquer le tout pour le tout. Et tant pis pour les autres. Qui crève? Il y a déjà trop d'imbéciles dans le monde de toute façon. Ma reine, mon oiseau rare. Ça te fait pas de peine? Je tente finalement. Lorsque tu blesses quelqu'un. Lancia remet ses verres fumés avant de me répondre. Le vent balaye un pan de sa jupe. M'offre, un instant seulement, la vision d'une hanche dénudée. Sa voix est délicate, à peine perceptible à travers le grondement du moteur. Je suis ce que je suis,